y a ceux qui manquent dans les moments importants, les mêmes qui reviennent simplement tout en y repensant. Ceux qui sortent fort sans qu'on en soit conscient, leurs conséquences ne t'appartiennent plus à présent. Y a les bons, les gros, celui pas plus haut que l'autre, comme chez moi souvent, et ceux entendus au port. Se chuchoter dans le creux de l'oreille, ceux d'amour ou d'adieu, le matin au réveil, c'est disparu. Paroles en l'air qui s'évasent, de douleur et de rage que l'on retrouve sur les façades. Ce superfus qui se balade et se perdu, ceux qui perdent et ceux qui consolent quand on a trop bu. Trop pur, y'a ces pensées en secret, trop dur, trop cru, ceux qui ont dépassé ma pensée. Entre celui qu'on a à dire et celui pour rire, la frontière est ténue quand si peu de chance prête à sourire. Mon vécu, je réponds fier, mais de mes apports, je n'explore les têtes plus à la bouche. La vie déshonore, c'est bon, mais ce qu'on connaît pas encore. On demande mon stylo, qui sert de toi dans ce décor. Des fruits de ma passion dans mon jardin secret, avec comme mot d'ordre dessiné tout ce que ma langue sécrète. Un monde secret derrière chacun de mes mots, et j'ai su que la réalité se mesurait à n'importe quel degré. Comme un homme de lettres, je prends mes distances quand on le nombre de mètres qui me sépare de ces choses que je peux pas voir de prix. J'ai ma force lexicale si vite à la naissance, et j'ai pu vraiment canaliser mon côté irritable. J'étais si minable, agressif sans exutoire, à chercher l'équilibre qu'il me fallait pour que mes rimes parlent. Depuis, l'idée a fait son chemin, je puise toute mon inspiration de mon vécu et laisse ces mots en héritage. Un vestige étymologique, le véritable récit d'un gosse qui soigne à part les mots, les blessures que la médecine guérit pas. Chacun son territoire, le mien est celui où l'encre noire, c'est toutes mes pages, faisant de mon art un péril noir. Piller tout l'alphabet pour en faire ma tente d'ivoire, à force d'ivoire perdu, se arriver comme quoi ça porte d'ivoire. Le fameux d'histoire, c'est que j'ai appris à connaître à travers les mots et les lettres, puis voir si j'étais fait pour la victoire. Y'a ceux qui froissent, ceux qui fâchent, ceux qui cassent, ceux qui lassent, celui qu'on jette et qui revient en pleine face, celui qui blesse plus que n'importe quel geste, celui qui seul sonne comme un orchestre. Y'a ceux qui sont dans ma bouche et qui piétinent mes patience, ils sont sûrs de faire mouche mais préfèrent le silence. Y'a ceux qu'on entend qu'en retenant son souffle, y'a ceux qu'on peur du vent et ceux qui sont waterproof. Ceux qu'on trouve détendus et installés en terrasse, celui qui m'a ému, celui qui font et ceux qu'on efface. Y'a ceux qu'on pétrit contre pétrit, y'a ceux qui noircissent nos feuilles, ceux qui sont pris ou incompris, ceux qui traduisent nos cas. Ceux qui sont doux, ceux qu'on secoue par bienveillance, y'a ceux à la mode de chez nous, ceux qui font pencher la balance. Les mots ne sont que des signes, chacun d'eux a un sens, ils vont et viennent dans mes lignes. On soulage ma conscience.